fais des convoyages à titre individuel, c'est-à-dire en tant qu'auto-entrepreneur, pour remplacer ce rembourser pas que ce monsieur, puisqu'il y avait aussi la TVA à rembourser, puisque c'était un de nos gros clients qui nous a mis en difficulté. Ouais. Et puisqu'il nous devait 50 000 euros et qu'il nous a pas payé, et donc reprenons point par point. Est-ce qu'aujourd'hui Alter Ego est en fermeture? Quelle est la situation exacte d'Alter Ego? Aujourd'hui, Alter Ego essaie de résister, si vous voulez. Bon, il va fermer sûrement à la fin de l'année quand il a remboursé M. Aubry. Est-ce que déjà la procédure est en cours ou vous essayez juste de vous battre tout seul pour l'instant? Pour l'instant, on essaie de se battre tout seul parce que si on ferme, on ne paiera pas M. Aubry et donc on veut payer M. Aubry. Donc à partir de ce moment-là. Voilà. D'accord. Et ce problème que vous avez eu avec cet impayé, il date de quand, la boîte qui ne vous a pas payé les 50 000 euros? En gros, malheureusement, tout s'est fait en début d'année, puisque dans le premier trimestre, ils ont commencé à. En fait, il y a eu plusieurs éléments. Enfin, il n'y a pas que. Il y a une société qui nous a, au travers de. Elle a fermé cette société? Non, du tout. Non. Et elle vous doit 50 000. Voilà, exactement. Eh bien, donnez-moi le numéro, on va les appeler, parce que c'est pas normal qu'ils vous mettent dans cette situation. Je peux pas vous donner le numéro, parce que si vous voulez, par rapport. Vous voulez pas nous ça, donner son pas... nom à cette société? Parce que si non vous donnez 50 000, on peut régler le problème, monsieur. Sinon, je n'enverrai plus l'argent, je pourrais pas rembourser les convoyeurs. D'accord. Non, et après, il y a une autre société qui nous a pris. Elle non plus, vous voulez pas qu'on l'appelle? Parce qu'on peut régler les problèmes, vraiment, oui, monsieur. Oui, mais je l'entends, monsieur. Mais nous, nous sommes en train de, justement, par rapport à ça, puisqu'on a demandé aux impôts de nous laisser un délai pour payer la TVA, ce qu'on va faire. Et en même temps, on a expliqué à chaque convoyeur qu'aujourd'hui, on faisait, dans monsieur Lobry, on faisait le maximum pour pouvoir les régler. Monsieur, l'entreprise qui vous doit 50 000, vous en êtes où avec eux, puisqu'elle vous les doit depuis bientôt un an? Ce qu'il y a, le problème, c'est qu'ils nous donnent compte-gouttes, c'est-à-dire qu'ils nous donnent 4 000 euros par 4 000 euros et que ça s'est pris de suite par les impôts. Donc aujourd'hui, moi, je suis obligé de mettre, si vous voulez, je me suis remis auto-entrepreneur pour payer la dette que j'ai. C'est-à-dire que vous faites des missions qui n'ont plus rien à voir avec Alter Ego? Absolument. Absolument. Mais alors, comment l'argent que vous entrez dans votre société d'auto-entrepreneur, comment vous le faites basculer dans Alter Ego? Après, je paierai directement sur un compte personnel ces gens-là. Enfin, je veux dire, parce que on leur a expliqué qu'effectivement, aujourd'hui, le désir, c'était de rembourser tout le monde. Donc, j'ai bien compris. Alter Ego, c'est fini. On est d'accord? Oui. Puisque, donc là, plus personne ne peut faire de transaction avec Alter Ego. La boîte, vous allez la fermer, bien qu'elle ne soit pas fermée. Donc, elle est quoi, en sommeil actuellement? Oui. Non, c'est pas qu'elle est en sommeil. C'est-à-dire que l'argent qui rentre, parce que c'est pris directement par les impôts, donc c'est pour pas. Oui, mais vous n'avez plus de contrat. L'Alter Ego ne signe plus de contrat, exactement, puisque vous les prenez vous-même. Donc, exactement. Les contrats d'Alter Ego, il n'y en a plus. Donc, plus personne ne peut venir chercher de l'argent dans Alter Ego. Du coup, vous vous êtes mis auto-entrepreneur. Exactement. Et vous allez, avec l'argent personnel que vous allez sortir de votre boîte d'entrepreneur, rembourser les gens. Oui. Ouh là là, alors, monsieur, alors, je rendrai hommage à votre moralité, puisque vous dites, ma société va fermer, va faire faillite, elle ne pourra pas. Monsieur, s'il vous plaît, je suis en train... Non, parce que j'ai un train à prendre. Monsieur, il est depuis le 27 mars, il a de l'argent à rentrer pour manger aussi, donc vous pouvez lui accorder quelques minutes, monsieur. Exactement. Est-ce que vous feriez une reconnaissance de dette? Monsieur, n'essayez pas d'échapper aux choses. Est-ce que vous êtes prêt à faire une reconnaissance de dette personnelle à ce monsieur pour justement mettre noir sur blanc la promesse qui vous honore de le rembourser? Moi, je suis actionnaire minoritaire d'Alter Ego. Hein. Ah, qui est l'actionnaire majoritaire? C'est Madame Thibault qui est sur les statuts. Madame Thibault. Si vous prenez le soin de regarder les statuts de la société. Oui, alors je les ai, allez-y. Alors c'est Christine Chanlon. Christine Chanlon. Qui est peut-être la même personne. Sur les statuts. Oui, absolument. Qui est la même personne. C'est pour ça que je ne trouvais pas, monsieur, parce que c'est Christine Chanlon. Comment ça s'appelle, Chanlon ou Thibault? Non, Chanlon, son nom de jeune fille, mais son nom marital est Thibault. D'accord. Alors cette dame, on peut la trouver où, madame Chanlon? Ben, vous la trouvez sur les statuts. Vous avez monsieur. Mais est-ce qu'elle vient à la société de temps en temps? Elle fait Pardon quoi? Elle est gérante. Elle fait tout ce qui est administratif. Mais qui est gérant? Le gérant, c'est qui? C'est lui le responsable? Ah non, mais il y a pas de. C'est oui, c'est un petit mot, la gérante. La gérante officielle, c'est donc elle. Oui, moi je suis comme convoyeur. Je veux dire. D'accord. Alors, donc quand on appelle le numéro de Alter Ego, monsieur. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un numéro fixe? Parce que là, il y a qu'un portable. Non, c'est portable, parce qu'on n'est pas, on n'a pas une grosse société. Ah, donc on a la gérante, elle a pas de numéro de téléphone pour être joint. Si, mais monsieur Lobry le connaît, puisque. Ah, alors on va appeler la gérante, très bien. Donc, voilà, alors, monsieur, on va l'appeler maintenant sur l'antenne d'RTL pour que ça soit très clair. Juste une petite pause et j'arrive tout de suite. Ne bougez pas, monsieur. 11h, 12h30. à la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Ma mère m'a dit, Antoine va te faire couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Bah, Patrice, oh yeah. Ce n'est pas le chanteur Antoine, c'est l'humoriste Eric Antoine qui est l'invité de la bonne heure. Ouais, mais enfin, il pourrait quand même aller chez le coiffeur. Eric Antoine est l'invité de la bonne heure. Et à la bonne heure, c'est à 11h sur RTL. À tout à l'heure. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les nuits d'Astrid et Jean qui changent. Avec 70% en cagnotte sur les couches Baby Dry Mega Pampers. Moins 70%. Astrid, Jean. Voyons les choses du bon côté. Maintenant, quand vous vous levez 5 fois par nuit, bah quelque part, vous faites 5 fois des économies. Dès demain et jusqu'au 6 novembre, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur les couches et culottes Baby Dry Mega Pampers. Et vos nuits changent. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin. Magasin ouvert le 1er novembre, voire sur Auchan.fr. Noroto. Oh, c'est bon d'avoir du bon son, non ? Ouais, et au niveau du prix, on est bon comment ? Eh ben là, non, hein, on n'est pas bon. Hein. On est plus que bon avec Noroto. Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits, comme l'autoradio Pioneer Bluetooth, maintenant à seulement 89,95€. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture. Alors, c'est qui le meilleur ? C'est toi. Noroto. Valable sur modèle MWH S41BT. On en parle. Le recyclage est une priorité du ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est aussi l'affaire de tous. Portrait d'un consommateur responsable dans un instant. Hé, papy, c'est quoi ça ? Un appareil photo. Mais les photos, ça se prend avec un téléphone. Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache. Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis. En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Julia, responsable du rayon frais, dit à Jean. Pour l'achat d'un camembert pasteurisé président Origine France, vous avez 60% de remise immédiate sur le second. Soit 1,89€ les deux camemberts. Ça sent bon les bonnes affaires, ça. 1,89€. Oula oui, c'est fort. Très fort. Alors dépêchez-vous. Les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Soit les deux boîtes de 250 grammes chacune à 3,78€ le kilo. Commerçons autrement. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous revenons sur l'antenne d'RTL, donc avec cette histoire, Céline. Oui, c'est Bruno qui nous appelle parce qu'il est transporteur et il attend qu'on lui paye 2 800 €. Alors, nous allons essayer de comprendre les choses avec vous, monsieur. Vous m'expliquez que votre boîte est en difficulté, mais n'est pas fermée. Monsieur, remonte une société. Non, parce que si on ferme, malheureusement, si on fait liquidation judiciaire, et ce qui n'empêchera pas, bien sûr, au niveau... Mais vous rentrez pas d'argent, vous pourrez jamais rembourser avec Alter Ego, ça sert à quoi de la laisser ouverte ? Mais non, mais c'est nos clients qui nous doivent l'argent, donc au fur et à mesure que l'argent est perçu, c'est pour pas... si vous voulez, on pourrait... Bon, voilà, on fait une liquidation judiciaire, les impôts, ils s'assoient sur l'argent, les convoyeurs s'assoient sur l'argent, et c'est pas notre désir. Non. Mais non, donc, vos clients seront poursuivis par le mandataire liquidateur, et qui fera le boulot à votre place, et qui fera rentrer l'argent dans les caisses, dans le cadre des opérations liquidation. Ce sont les impôts qui prennent en priorité, puisque, si vous voulez, en début d'année, en fin d'exercice, il y a une société, un concessionnaire automobile, si vous voulez, qui nous appliquait, enfin, disons, on avait des convoyeurs comme M. Aubry, qui travaillait, et qui leur a fait les yeux doux, et donc, il les a... Juste, j'ai une question à vous poser, monsieur. Madame Chanlon, qui est la gérante. Oui. C'est pas votre épouse ? Ah non, pas du tout. Non. D'accord, c'est l'épouse de qui ? De monsieur ? Perry Thibault. Monsieur Perry Thibault, d'accord, ok. Bon, parfait. Eh ben, on va appeler, on va essayer de faire la lumière là-dessus, si d'autres personnes peuvent nous aider. Oui, Charlotte ? Oui, j'essaie de la voir, hein, madame Chanlon. Pour l'instant, pas de réponse. Ça marche, je vous tiens au courant, monsieur, de notre avancée. Merci d'avoir appelé. Merci. Et bon courage à monsieur Laubry. Et moi, je m'engage à tout faire pour. Pour rembourser M. Lebré. Oui. Il n'est pas seul, vous en avez combien ? Oui, Bruno ? Oui, il y a 5-6 personnes. Allez-y, Bruno, je vous écoute. Je tiens à dire que je n'avais pas le numéro de Christine. Hein. Et quand je me suis lancé dans l'aventure le 27 mars, jamais, papy, tu m'as parlé de difficultés en quoi que ce soit. On n'a pensé vraiment pas que ça nous mette dans cette difficulté-là, puisque bon, ouais, mais bien, ça serait compliqué. Bien des fois, bien mais moi aussi, imagine-toi comme moi aussi. Parce que... Monsieur, question que je me pose. Vous êtes actionnaire minoritaire et vous n'êtes pas gérant. Non. Et pourquoi c'est vous qui remboursez ? Qui voulait rembourser ? Parce que je suis le seul à travailler. je suis le seul qui a la capacité de faire des kilomètres. Et donc, il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue pour aller faire sa mission, quoi. Ok, d'accord, tout ça simplement, marche. Voilà. Après, nous, on est tombé sur un directeur régional de cette entreprise qui fait preuve de mauvaise foi. Donc, il va falloir bien sûr que un jour je prenne la décision de l'attaquer personnellement, mais pas au nom de sa société en justice, puisque cette personne, depuis des années, fait tout pour. Mais monsieur, là vous donnez pas de nom, rien. Vous, ben, voilà. À un moment donné, soit vous me dites qui vous doit de l'argent. Oh, je vous demande qui vous doit de l'argent. Vous dites non, je veux pas le dire. Mais une deuxième fois, non, je veux pas le dire. Si demain, vous avez tort, monsieur, parce qu'on aurait pu régler le problème. Demain, je coupe l'herbe sous les pieds. Mais de toute façon, il ne sera pas payé, monsieur, vous le savez. Et vous et moi, on sait qu'il sera payé. Non, non, je serai payé, mais ça oui. Parce que, ce que je comprends, c'est que vous êtes dirigeant de fait. Puisque c'est vous qui avez l'air d'être le seul à travailler, à prendre les décisions, que les autres sont là, on ne sait pas pourquoi faire. Et donc, c'est grave parce que si vous ne déférez pas à la loi qui vous oblige à déposer le bilan lorsque vous êtes en cessation de paiement, ce qui a l'air d'être d'ailleurs depuis pas beaucoup plus qu'hier, eh bien, vous vous mettez en tort, y compris personnellement. Bon, écoutez, moi, on va voir quel est le rôle de Mme Chorlon. En tous les cas, aujourd'hui, j'essaie de tenir le coup de manière à pouvoir rembourser ces messieurs-dames, parce que j'ai pas envie. Justement, qui se retrouve dans une situation, on leur dira, mais voilà. Donc, on est bien d'accord qu'on dit aux gens qu'aujourd'hui, on ne passe plus aucun contrat, tous ceux qui voulaient, on ne peut plus passer aucun contrat avec Alter Ego, puisque maintenant, vos transports, vous les faites sur une autre société. Hein. Alter Ego, c'est fini. Je ne fais pas au travers d'une autre société, je le fais à mon titre. C'est ça, mais Alter Ego ne prend plus de contrat. Il faut arrêter voilà, avec Alter Ego. D'accord, ok. Donc, Alter Ego ne fera plus de contrat, n'a plus d'argent, mais vous attendez quand même des rentrées de temps en temps. Ok, c'est clair. Un dernier mot. Oui, pour pouvoir payer les impôts. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Maître. Combien vous devez aux impôts, monsieur, sans indiscrétion? C'est une grosse somme? Mais aujourd'hui, puisqu'on a commencé, il doit rester 15 000 euros. Je veux dire, donc on va pouvoir effectivement passer à, après les 15 000 euros, on va pouvoir passer à. Bonjour, monsieur, je suis Maître Novakovic. Je voulais juste. Des auto-entrepreneurs, voilà. D'accord. Voilà, je voulais juste vous préciser, monsieur. Oui. Il existe une solution, bien sûr, alternative, qui n'est pas la liquidation. Oui, exactement. C'est le redressement judiciaire. Ah, ça, je ne connais pas. Ah ben, la procédure de redressement judiciaire, c'est qu'un administrateur judiciaire est désigné par le tribunal de commerce et il vous aidera à redresser l'entreprise. Il y aura un gel des créances chirographaires et à ce moment-là, vous pourrez ressouffler. Si vous avez des chances de sauver votre société, c'est par l'intermédiaire d'un redressement judiciaire. Et comment je dois faire pour pouvoir... Eh bien, vous déposez le bilan auprès du tribunal de commerce et vous demandez un redressement judiciaire et l'administrateur va être désigné. Et là, vous serez les dettes de l'État. Et là, vous serez aidé et vous allez pouvoir sauver l'entreprise. Oui, pardon. Est-ce que je pourrais quand même Évidemment, justement, c'est pour qu'il soit payé petit à petit. Il va demander à l'État de vous laisser tranquille un petit peu. Il va dire voilà, ah bon mais vous aurez à payer, mais tranquillement. Non, dans le cas d'un plan de continuation ensuite. Voilà. Bon, ok. On va avancer dans ce dossier, on vous tient au courant. Oui, au tribunal de commerce. Est-ce que l'avocate, elle peut me. Oui, je vous prends en antenne. D'accord, elle vous explique merci, ça. Merci, monsieur. Merci, bravo Maître Novakovic. On passe, s'il vous plaît Bernard, on récupère l'appel, on le passe à Maître Novakovic qui va expliquer à ce monsieur comment peut-être étaler les dettes. Maintenant, il y a quand même un point, c'est qu'il nous faut avoir Madame Chorlon qui est la gérante et qui apparemment, je ne sais pas quel est son rôle dans la société et ça, il faut que l'on avance. Alors, Bernard, je vais envoyer donc un texto à cette charmante dame, donc Christine. Je suis occupé pour le moment, envoyez-moi un SMS. Je lui dis urgent Christine, rappelez-moi. Elle me dit qui êtes-vous? On en est là pour la discussion entre elle et moi, la gérante de cette société. Essayez d'avancer. À tout de suite sur l'entrée. Tendertel, sur quoi va-t-on revenir ensuite, Céline? On reviendra sur le dossier de Gina. Elle nous avait appelé parce que sa fille a commandé des fenêtres en septembre 2017. Et depuis, eh bien, elle attend toujours. Mais avant, nous allons écouter Loane et Julien Doré. Midi sur novembre sur RTL. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi, je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. Labyrinthe en désert. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. We'll be Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre.

c'est la Minute Info. On attend avec impatience des nouvelles de la Caisse d'Épargne sur le cas de Jean-Claude. Il veut déposer des pièces en or sur son compte et sa banque, elle, ne veut pas. Elle lui ferme même la porte au nez. Nous avons appelé l'agence locale, l'agence régionale pour finir avec la DIRCOM. Oui, alors au niveau de l'agence locale, Madame Bogier, la directrice, a dit qu'elle allait nous rappeler. Et puis au niveau du siège Caisse d'Épargne Côte d'Azur, Bernard a pris le relais. Dans combien de temps à peu près? Je l'espère, là, dans l'heure qui suit maximum. C'est Émilie Guérin qui a pris le dossier, qui va se rapprocher de Madame Bogia pour lui demander des éléments précis. On a averti aussi Monsieur Thierry Martinez, donc tout le monde est au courant au siège, Julien. À l'instant, Bruno, nous allons pas y revenir. Vous essayez d'être en contact, vous, pour ce transporteur qui ne s'est pas fait payer, avec celle qui serait la gérante, mais il y a... On ne sait pas trop ce qu'elle fait dans la société. Pour l'instant, donc, elle est censée être gérante. Elle communique avec moi. Elle me dit qu'elle est occupée. Elle dit qu'elle veut savoir qui lui parle. Je lui dis que c'était donc notre auditeur Bruno Lobry. Et elle lui propose donc justement qu'il la rappelle cet après-midi, Julien. Et nous accueillons Gina sur l'antenne d'RTL. Bonjour Gina. Bonjour. Ah, Gina, vous nous appelez. Alors, voilà. Je ne sais pas d'où. Est-ce qu'il y a un haut-parleur, un kit main libre? Non, les deux. C'est bon. Ça y est. Ah. Ok, bonjour. Gina. Bonjour. Gina, on rappelle ce que vous nous avez dit quand vous êtes passée début juin sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle de Moselle, ma fille et mon gendre ont versé en septembre dernier un acompte de 4 560 euros pour la réalisation de la pose de 5 fenêtres, 4 volets, une porte d'entrée et une porte de garage. Ils n'ont toujours pas été livrés. Nous devions faire un retour dans une émission précédente, mais nous n'avions pas eu le temps d'appeler la société qui devait les livrer les menuiseries. Donc nous avons mission de le faire. En juin, nous n'avions pas réussi à joindre les patrons de Terranova, Pascal Benning, son associé c'est Ernesto Oliviero. Nous avions juste eu Martina Akbaba, l'assistante de direction. Oh, s'il vous plaît, Gina, ne me faites pas chute comme ça. Vous voulez que je fasse mon métier? Vous êtes sur la messagerie du 07 60. Alors, ça, c'est un premier numéro chez Terranova. Mais est-ce que c'est le Terranova qu'on a régulièrement ou c'est un autre? C'est encore un autre Terranova, d'accord. Parce qu'il y avait une autre boîte qui s'appelle Terranova qu'on a dû appeler 10 fois en 10 ans. Où Hervé était allé même en duplex. C'est vrai. Mais c'est pas celle-là. Donc là, c'en est une autre. Bonjour, vous êtes... Troisième numéro. C'est parti. Société fermeture Terranova qui est censée se trouver... Je n'ai pas l'adresse de la boîte. À Morbach, c'est ça? On dit Morbach? Oui. Ou Morbach, je suis désolé. Ah, non, on dit Morbach, c'est ça? Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07. Quatrième numéro. Oh là là. C'est incroyable. Là, on a le temps de se gratter, je vous le dis. Donc, Terranova, on attend toujours du côté de Morbach. Comment s'appellent les habitants de Morbach, du coup? Vous le savez, ça, Gina? Non. Pas du tout. Les morpions. Non. Mais je sais pas, on demande. Je sais. Alors ça. On va vérifier. Tiens, JB, vérifier. Morsbach. Et rien ne répond. J'ai très peur. Ouais. J'ai très très peur. Je vais lancer encore une fois un appel à Pascal Beining. Essayez de nous aider si vous le pouvez, mesdames et messieurs, si vous connaissez ces personnes. Pascal Beining, Ernesto Oliviero, Marina Akbaba. Il faut vraiment, il y a eu de l'argent dépensé, 4 560 euros. Vous les aviez trouvés où? Parce que vous vouliez acheter des fenêtres. Comment vous avez trouvé ces Terranova? Par ma fille, c'est une collègue et c'est son copain. Bon, et alors la fille, on l'a pas? C'est son numéro pour l'appeler, pour savoir ce que fait son copain? Le commercial nous avait contacté. Apparemment, il les a mis aussi, lui, au prud'homme, parce qu'il n'avait pas été payé. Il ne travaille plus là-bas, le commercial. Copine de votre fille a un copain qui travaillait là-bas, qui lui-même n'a pas été payé par Terranova. C'est ce que vous nous dites. Et ils sont au prud'homme. Et ils sont au prud'homme, oui, mais j'ai l'impression que la boîte, je ne suis pas sûr que la boîte, elle continue à beaucoup exercer. Si quelqu'un, d'ailleurs, nous écoute et passe par le 91A rue Nationale, à côté de Morsbach dans le 57-800, eh bien qu'il nous dise ce qu'il y voit. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a une boutique? Est-ce que c'est fermé? JB. Oui, alors c'était pour vous dire, pour vous donner le nom des habitants de Morsbach. Donc c'est les Morsbachois ou les Morsbachoises. Très bien. Mais en tout cas, 91A, il nous faut savoir s'il se passe quelque chose. Il va falloir, je pense, maintenant aller peut-être déposer plainte ou faire quelque chose. Maître Novakovic sur un cas pareil. Là, manifestement, je crains qu'il n'y ait pas de suite. Donc elle devrait déposer effectivement une plainte devant le procureur de la République pour abuser abus de confiance, ou alors saisir le juge civil pour demander tout simplement le remboursement de la somme avec astreinte effectivement financière par un jour de retard et le remboursement des frais d'avocat. Je vous en supplie, mesdames et messieurs, dans le monde de la fenêtre, hein, moi je peux vous en parler quand même un petit peu, il y en a plein des gens sérieux, mais renseignez-vous, une boutique qui a pignon sur rue où il y a une vitrine, bon, il y en a plein qui sont d'une autre marque que celle que je défends et je passe devant depuis 15 ans, ils sont là, c'est donc des gens honnêtes et tout. Ne partez pas avec un copain qui connaît, qui peut avoir. Oubliez tout de suite ça, même si les prix semblent attractifs. Gina, on va continuer à se battre avec ces Terra Nova là, mais j'ai peur qu'on aille dans le mur. Il faut absolument que maintenant vous réagissiez avec un avocat, d'accord? Mais on va continuer. J'ai donc monté un dossier à la direction des fraudes. Oui. Qui, eux, ont contacté la gendarmerie de Morsbach. Et apparemment, il y aurait pas mal de plaintes. Hein. Oh. Et bien voilà. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces gens-là ont dû faire un petit peu de la cavalerie. On met ça au conditionnel, on ne dit pas que c'est vrai. Mais oui. Doivent prendre l'argent, ne jamais livrer les fenêtres. Mais vous, en attendant, les 5500, je ne sais pas comment elle va les récupérer. Oui, et d'ailleurs, je trouve que Gina a eu un très bon réflexe de saisir effectivement la Direction Générale de Répression des Fraudes, car elle-même, effectivement, peut saisir directement le procureur de la République si elle estime qu'il y a fraude. Donc, vous avez eu un très bon réflexe. Alors, au moins que ces gens-là soient punis, faute de payer, mais ça ne vous rendra pas les fenêtres. Nous allons continuer à demander, de toute façon, à ces gens-là de nous donner leur version des faits. Peut-être que l'on se trompe, on leur donnera tout le temps qu'il faut. Pascal Beining, Ernesto Oliviero, Marina Agbaba, pour qu'ils puissent nous dire... Là-bas, chez Terra Nova, on lit jamais les fenêtres. Terra Nova, il y a du courant d'air comme il n'y a pas de fenêtres. Enfin bref, on verra bien. Gina, on lâche pas l'affaire. Okay. JB, notre journaliste, Stéphane Limier, sur le coup, il vous donne du nouvelle. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, merci. Prudence à tous. Quand vous vous lancez, merci à vous, ne vous lancez pas dans des achats aussi chers. 5000, dès que c'est des sommes comme ça, c'est pas... Vous pouvez prendre un risque sur une paire d'espadrilles, mais pas sur des 6000 euros, une boîte qui a pignon sur rue. Et croyez-moi, la boîte qui a pignon sur rue, si elle annonce un tarif un peu plus cher, c'est le prix de son sérieux. C'est parce qu'elle est toujours là qu'elle vous fait payer un petit peu plus cher. Les apprentis vendeurs qui font de la fenêtre, de la voiture à moitié prix, ils prennent l'argent et ne livrent pas. Attention. Dans une seconde, Céline, s'il vous plaît. On partira sur le cas de François-Xavier. On reviendra même sur son cas. Il a payé plus de 23 000 euros d'acompte à un artisan. Finalement, ça ne s'est pas très bien passé. L'artisan était d'accord pour rembourser l'acompte. Eh bien, on attend l'acompte. Eh bien, c'est à suivre sur l'antenne de RTL, juste après George Benson. Give me the night. City lights, cause there's music in the air and lots of love.

Bah justement par Monsieur Poissement de la société Infinity Travaux qui m'avait certifié que c'était une entreprise sérieuse et fiable. Bon, et lui c'était un courtier, mais lui vous l'aviez trouvé comment, Monsieur Poissement d'Infinity Travaux ? Bah en fait, mon épouse est commerçante et c'était l'épouse de cette d'une cliente. Eh bien, on va déjà appeler Monsieur Marc Poissement en tant que courtier pour lui dire, dites donc, vous avez recommandé quelqu'un maintenant qui a planté François Xavier. On va bien voir ce qu'il nous dit. C'est ouais. Parti. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... Marc Poissement. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonjour Monsieur Marc Poissement, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL qui vous parle. Je suis en train de faire mon émission de radio et je suis en compagnie de François Xavier, que vous connaissez. Je n'ai pas votre nom de famille, François Xavier, malheureusement. Albrecht, qui nous a dit que vous lui aviez conseillé avec Infinity Travaux de travailler avec la société Rénovatio. Et la société Rénovatio l'a planté. Donc on voulait savoir si vous aviez des infos pouvant aider votre ami François Xavier à sortir de cette panade. Merci Monsieur Parc Moissement et nous dire à quel titre vous aviez conseillé la société Rénovatio. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ouais. Ce monsieur Poissement, parce qu'il doit y en avoir beaucoup, serait du côté de Roubaix, la société Infinity Travaux. N'hésitez pas à nous rappeler, on vous laisse un numéro. En ce qui concerne donc Jérôme Vion, ça ne sert plus à rien de l'appeler puisque visiblement il a décidé de liquider. Donc vous aviez besoin peut-être de quelques renseignements, François-Xavier, avec notre avocate. J'ai fait appel à des avocats justement pour voir ce qu'on pouvait faire contre monsieur Vion. Mais eux-mêmes m'ont dit que maintenant qu'il a mis la clé sous la porte, ça va être compliqué. Bah oui, de toute façon, maintenant, Maître Fellono, c'est fichu. Il faut quand même déclarer sa créance. Je sais que ça ne vaut pas un remboursement, mais déjà, vous êtes inscrit sur la liste des gens à qui cette société vous doit de l'argent. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'après paiement des salaires, des impôts, de l'URSSAF, etc., bah, il restera quelque chose pour aider les gens mais comme vous. Mais n'y croyez pas. N'y croyez pas, voilà. Malheureusement. Non, n'y croyez pas. Je compte pas dessus. Non. La seule chose que je peux vous dire, donc, vous êtes planté de combien? 23 000 euros. Encore une fois, j'espère que François-Xavier, ça vous servira de leçon quand vous ferez des travaux, que vous irez prendre quelqu'un auprès duquel vous aurez pris des renseignements, vous aurez fait une enquête, vous aurez vu qu'il a pignon sur rue, que vous avez un endroit où vous pouvez aller le voir. Parce que là, est-ce qu'il y avait la société Rénovatio, comment ça se présentait pour qu'on comprenne bien Tourcoing? Il y avait des locaux, c'était comment? Alors il était quand on l'a connu, il était à Tourcoing et après il avait fermé Tourcoing et il s'était installé près de chez lui, près de Cassel dans les Flandres. Bon. Voilà, soyez super, super, super, super vigilants. Je suis désolé François-Xavier, dès que Monsieur Poissement nous rappelle, je vous le dis. Oui. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Nous enchaînons Céline avec. Avec Geneviève, elle est propriétaire d'un appartement. Elle nous avait contacté parce que l'agence immobilière a perçu les 428 euros de loyer, mais c'était pas la bonne agence immobilière. Je me rappelle de cette histoire. Elle achète un appartement qui était occupé par une locataire et cette locataire avait réglé par erreur le loyer à une autre agence immobilière. Et celle qui avait touché par erreur semblait dire « ça me va très bien cette histoire. Surtout ne m'appelez pas, tout va bien ». On avait eu Monsieur Gaucher, gérant de Citia Belvia à Lyon. Et il devait régler le problème. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Maître Fellono? Oui, en fait, il conservait cet argent en disant « Non, mais j'ai remboursé parce qu'il y avait des comptes de charges, etc. » C'est-à-dire que il a eu l'argent, la propriétaire. Il disait en fait « Moi, je suis en compte avec cette dame et on n'est pas d'accord sur les comptes. Du coup, cet argent qui arrivait par erreur, ben, moi, ça me sert à faire les comptes. » Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. On est d'accord, Bernard? Exactement, Julien. Ce monsieur-là avait été ouvert, parce que donc on avait appelé aussi monsieur Chaminade et monsieur Briand, et donc il avait ouvert la discussion. Voilà maintenant la réponse auprès de notre auditrice. Alors Geneviève, où en est-on, s'il vous plaît, dans ce dossier? Alors, j'ai une très bonne nouvelle, parce que j'ai reçu le chèque le vendredi. Vous m'avez appelé mercredi et j'ai reçu le chèque le vendredi. Et voilà, et là on voit le sérieux de Cynthia. Vraiment, mais je le dis, le chèque est encaissé et ça peut arriver. Vous avez 40 chèques qui arrivent, c'est pas le bon, il passe dans les 40, on l'appelle, il s'en est pas perçu et tout de suite, dès le lendemain, il renvoie. Et ça, c'est le sérieux. L'entreprise qui ne commet pas de faute, elle n'existe pas, vous ne la trouverez pas. Elle n'existe pas. Non. L'entreprise sérieuse, c'est celle qui commet une faute et qui, quand on lui dit « je crois qu'il y a une faute, jetez un petit coup d'œil », tout de suite rectifie. Citia Belvia à Lyon, bravo, c'est le cas. Donc on va remercier qui? C'est Monsieur Briand? On va remercier d'abord Pierre-Yves Gaucher, donc le gérant Monsieur de cette société. Ah, Monsieur Gaucher, aussi, voilà. Et au siège, évidemment, Monsieur Briand et Monsieur Chaminade, les présidents et directeurs généraux. Eh bien, c'est parfait. Contente, Geneviève? Oui, parfait, mais votre intervention a joué aussi pour l'efficacité. Mais j'ai pas besoin de ça, vous savez, l'ego n'a jamais été mon moteur. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureuse, Geneviève. Donc, je vous dis à très bientôt. Ça va, très bien. Gros bisous. Merci. Allez, bisous. On va faire le super méga rapido.info, car il s'est passé énormément de choses, mais surtout, on va lancer aujourd'hui les rendez-vous des jours qui viennent, parce qu'il y a deux affaires sur lesquelles on ne laissera rien tomber. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. C'est le gros dossier vraiment des mois qui arrivent, celui de Jean-Claude. Il nous a contactés parce qu'il souhaitait tout simplement déposer des pièces en or sur son compte. Ça, c'est OK pour la loi, mais pas pour sa banque qui lui a refusé et qui veut clôturer ses comptes. Je passe tous les détails, tous ceux qu'on a appelés. On est remonté jusqu'à la DIRCOM. Deux questions ont été posées. Pourquoi vous refusez les pièces? C'est obligatoire de les accepter. Deux, pourquoi vous le virez parce qu'il se plaint parce que vous refusez ses pièces? Exactement. Et c'est Émilie Guérin qui a repris le dossier en main, qui va appeler Madame Bodjia, la directrice, pour avoir les raisons de ce refus, Julien. Bruno, histoire hallucinante pour ce transporteur. Eh bien, il ne s'est pas fait payer de 2 800 €. Il a fait 14 missions pour une entreprise. Il n'est pas le seul dans cette situation. Et voilà, il n'arrive pas à se faire payer. Alors là, il y a une espèce de montage très compliqué. Heureusement, Maître Novakovic, vous avez été lui parler en lui expliquant qu'il y avait une manière de sauver son entreprise et ceux à qui il doit de l'argent. Oui, apparemment, il ne connaissait pas ce que voulait dire le redressement judiciaire. Donc voilà, je lui ai donné les démarches à faire pour cela. Pour Gina, par contre, c'est une catastrophe avec ses fenêtres. On attend des nouvelles de Terra Nova et donc de son patron Ernesto Oliviero ou Pascal Benning. Et là, une bonne nouvelle qui vient de tomber, vous l'avez entendu il y a quelques instants. Ça y est, elle a été payée, la dame. En tout cas, on lui a remboursé le chèque qui avait été versé à une autre agence par erreur. Bravo à toutes les équipes. Le recyclage, c'est l'affaire de tous. On en parle avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste consommation et aujourd'hui, vous dressez le portrait d'un consommateur responsable. Eh oui, qui est-ce? Eh bien, c'est quelqu'un qui choisit, qui achète et qui utilise des produits ou des services dans une logique de respect de l'environnement. Ouais. Et puis, il sait déjà s'il a besoin de ce produit, ce qui signifie aussi l'entretenir, le réparer, voire même le partager. D'accord, mais si un objet n'est plus utile, on en fait quoi? Eh bien, s'il est encore en bon état, on ne le jette pas, on le donne. Et s'il n'est ni réutilisable ni réparable, eh bien on le trie ou on le rapporte dans le bon circuit de recyclage. Exactement. Et être un consommateur responsable alors, c'est aussi sensibiliser les enfants. Et bien sûr, les enfants c'est capital pour leur avenir et celui de la planète. Il faut faire passer le message autour de soi, faire réfléchir sur les impacts environnementaux de notre consommation et sur l'importance de donner une seconde vie aux déchets, notamment grâce au recyclage. C'est important, merci Hervé. On en parle. Plus d'infos sur ensemblerecyclons.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les nuits d'Astrid et Jean qui changent. Avec 70% en cagnotte sur les couches Baby Dry Mega Pampers. Moins 70%. Astrid, Jean. Voyons les choses du bon côté. Maintenant, quand vous vous levez 5 fois par nuit, ben quelque part, vous faites 5 fois des économies. Dès demain et jusqu'au 6 novembre, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur les couches et culottes Baby Dry Mega Pampers. Et vos nuits changent. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin. Magasin ouvert le 1er novembre, voire sur Auchan.fr. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Certains d'entre nous refusent d'avoir un smartphone. Mais pour quelles raisons? Les abstinents technologiques, c'est cet après-midi, de 15h à 16h, dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bravo à toutes les équipes, bravo Maître Novakovic. Au revoir Julien, au revoir bravo à tous. Nathalie, merci Bernard, tout le monde, tous les journalistes, évidemment, vous pouvez nous aussi, quel que soit votre problème, conseiller l'émission. Il n'y a pas d'arnaque avec nous, c'est gratuit, on se bat pour vous. C'est ce que nous vous proposons sur RTL. Out, 11h. L'info sur RTL.